La vie, en parler, c'est bien. Tu la vives, c'est mieux. De la merde, plein la tête, pas si simple de faire abstraction. Mélodie me fait signe, de nouveau, je ressens l'attraction. Comment j'étais avant, tout niqué, ce qui fait même plus la vie ou marcher dans ma ville. Je te jure en vrai, j'étais devenu tout vide. Je me rappelle ce sourire, échanger avec cet inconnu. L'air de dire t'as vu, c'est fou, cette vie nous a conduit. Et quoi qu'on dise, je retomberai plus dans mes travers d'avant. Ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent, moi c'est simple, faut que j'avance. Le vent me portera plus, je marche face à lui même sous la pluie. Tout tordu de partout, de trop marcher sur les mauvais appuis. Mon dossier sous la ville, plus qu'à m'inventer un destin. Dans ce rap marécageux, de requins tout infesté. Mais dis-moi où est passé, tout ce temps que j'ai perdu. Devenu allergique à tout, lancé dans une course. C'est perdu, j'ai tendu beaucoup de pièges pour m'attraper un avenir. Moi je suis comme le capitaine qui coule avec son navire. Je ramasse cette vieille plume, usée par le temps, forgé sur le tas. L'espoir est éphémère avec cette arrivée sur le tard. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est d'apprécier l'instant. La vie est un festin et je me gâte jusqu'à l'indigestion. Sans prêter attention au regard braqué dans ma direction. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est d'apprécier l'instant. La vie, le monde et ce son avancent inexorablement. Je vivrai 100%. Et puis partir impeccablement. Comment je suis maintenant? Assurément plus solide qu'hier. La vie est un sport de glisse, ouais j'ai pas besoin de skier. Ce qui est fait est fait, j'essaie de vivre au présent. Kiffer chaque instant comme un type évadé de sa prison. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être à ma place. Au mic distribue les mains plates et j'oublie pas que le temps passe. Donne toi du bout du poste, que de ton poste élève la clameur. Je le rappelle en perdre haleine, kiffer avant de canner. Ta mère prend la tête, pas si simple de faire abstraction. Mélodie me fait signe et de nouveau je ressens l'abstraction. Depuis le jour et la nuit, ils veulent tous devenir mes amis. Devenus fort en étant seul, mais vous étiez où toutes ces années? Le milieu, j'en ai rien à battre. Et j'irais bien voir là-bas si j'y suis. Vu qu'ici c'est pas souvent de la balle. Prends ce morceau comme une parabole de l'existence. Un instant éphémère, à la fois futile et intense. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est d'apprécier l'instant. La vie est un festin et je me gâte jusqu'à l'indigestion. Sans prêter attention au regard braqué dans ma direction. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est d'apprécier l'instant. La vie, le monde et ce son avancent inexorablement. Je vivrai 100%, j'ai pu partir impeccablement. Comment je serai plus tard, j'espère pas arrogant, un but moi-même. Encore hier, pas passer ma vie à déprimer quand même. Et même si je reste ce mec dans l'ombre que tu connais pas, je prends mon pied à faire la misère à ces messieurs les connétables. L'avenir s'annonce, tout ce que tu veux, sauf pas vie de rose. J'espère vivre assez vieux pour fêter le deuxième album du Don. Ce beat aura tourné, que je sois célèbre, que je reste anonyme. Moi ce que je veux au fond, c'est que mon nom et bon son soient synonymes. Je trace des lignes sur ce papier, à la lueur des mots, tout est clair. Comme l'orage, je suis annoncé par le vent et les éclairs. Je pense qu'on me juge trop sur ce qu'on peut dire de moi. Ça me fait ni chaud ni froid, je suis le premier à rire de moi. Regarde-moi, ils attendent, appelle-moi pour être maudit. Ils veulent la vie de château, mais leur esprit est un taudis. J'ai débranché les blocages, branché en courant alternatif. Monté en triphasé sans prise de terre, droit sur l'objectif. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est d'apprécier l'instant. La vie est un festin et je me gâte jusqu'à l'indigestion. Sans prêter attention au regard braqué dans ma direction. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est d'apprécier l'instant. La vie, le monde et ce son avancent inexorablement. Je vivrai 100%, j'ai pu partir impeccablement. J'ai pas trouvé de formule magique pour apprivoiser le destin. C'était, c'est, ce sera.